Et voilà, vous venez d'écouter Jean-Michel Jarre, donc Oxygène 8. Et donc, pour l'instant, on va attendre qu'au standard, on me donne les auditeurs. Donc, le débat, ça porte sur les harcèlements sexuels. Alors, donc, on va déjà poser, je vais attendre encore un petit peu. Donc, la première, c'est que vous. Ah non, dire... on peut déjà cuire les premiers, là. Allô, qui est là? Ouais, bien sûr. Alors, on a Marmite. Salut. Salut. On a Frisbee. Et bonsoir à tous. Salut. Cassoulet. Ouais, Cassoulet, tu parles un peu plus fort. On a Bidon d'huile. Ouais, salut. Salut. On a Point Noir. Attends, Mérigo est en train de gérer parce que c'est pas son taf. Hein. Donc, t'as voulu ce soir. C'est bon, ça y est. Ça a l'air fait. Merci les casques. Et Point Noir. Ah. Oh. Sinon, moi, je peux peut-être dire un petit truc sur les RC. On est 858. Ouais, bah, c'est bien. Voilà. Ok. Alors, donc, Marmite. Bah, d'accord, ça commence déjà bien. Pas très professionnel, quand même. Donc, Marmite, bonsoir. Donc, on écoute Fun Radio à Rouen sur 104.8. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, là, comme d'habitude. Ah ouais, c'est vrai, avec... dégage. Dégage, ça va pas, t'es fou. Dégage un maximum. Oh, mais oui, je dégage. Dégage. Un maximum, dégage. Ça vaudra mieux pour toi. Donc, Marmite, on peut écouter Rouen. À Rouen Fun Radio sur 104.8. Ouais, c'est ça. Donc, Frisbees, 22 ans de Bordeaux sur 100.7 Fun Radio. C'est exact, j'écoute sur Internet, c'est exactement ça. C'est pas sur Internet, c'est sur la FM, hein, d'accord? Pardon. C'est pas du tout pareil. Oui. Cassoulet, 19 ans de Seine-et-Marne. Je gère Cassoulet, pour l'instant, il n'est pas là. Ah, d'accord. Donc, Bidon d'huile, on peut écouter Fun Radio. Non, c'est Bidon d'huile qui a raccroché. Non, mais oh! Tu vas pas commencer à foutre ta merde avant qu'elle se gaufre, toi. Voilà, c'est vrai. Moi, je suis pas là, c'est la merde. C'est de ma faute, hein. C'est la première fois que je fais le standard, excuse-moi. Alors, c'est qui est parti faute. Donc, Bidon d'huile est parti, et je suis en train de gérer Cassoulet. Et je rappelle des gens. Oh. Ah, bah alors, ça commence bien, hein. On a Poupon aussi. Bonsoir, Poupon. Poupon, bonsoir. Oui, salut, bonsoir. Donc, t'es d'où? Ouais, je suis de Paris. Donc, t'as quel âge? J'ai 23 ans. 23, et on écoute. 101.9. Et yes. On accueille aussi, Point Noir. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors donc, première question, donc que veut dire le mot harcèlement sexuel? On va demander à Marmite. Ouais, ça veut dire qu'on peut harceler sexuellement. Hein? Ouais, mais que veut dire exactement ce mot? Ouais, bah ça veut dire que t'as un canon, puis tu te prends plein de mains au cul. Ouais, non, mais attends, t'as un canon, tu veux dire un top modèle? Ah non, t'as un canon. Non, mais attends, un canon, tu veux dire quoi dans Bah t'as un canon, hein, t'es super belle. Ah ben donc, je viens de te dire, un top modèle, tu me dis non. Ah non, mais t'es pas forcément top. Bah mais attends, mais un canon, pour moi, c'est un top modèle, je suis désolé. Ah bah ouais, d'accord, mais on n'avait pas le même mot, alors. Bah oui, mais un canon, ça veut dire ça pour moi, hein. Ah d'accord. Oui, qui a récupéré Bidon d'huile. Ouais, salut, Jean. Salut, Bidon d'huile. Ouais. Donc, Cassoulet, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ok, donc on n'a pas de Cassoulet, c'est bon. C'est pas grave, j'ai trouvé une choucroute. Bah, tiens, on a une choucroute, là, si elle veut, comme elle veut faire partie du deuxième débat. Ah, non, non, non. Bah, non, si. L'invité mystère. L'invité mystère. Bulldog, il t'emmerde. Tu vois, comme ça, tu es tout de suite servi, là, toi. Okay. Alors, attends, celui qui vient de dire le bulldog, maintenant, tu vas répondre à la question. Ça va t'apprendre à ouvrir ta gueule. Allô? Mais qui répondent? Ouais, bah, qui répondent, alors, c'est qui? Entre Poupou, point Noir, Bidon d'huile. Ah, c'est pas Poupou. Ouais, non, c'est pas Bidon d'huile, je suis en rang, hein. Non, et c'est pas Point Noir. Ah, non, j'ai rien dit, moi. Bah, c'est Pierrot. Hein? Bah, c'est Pierrot qui dit ça. Non, mais attends, hey, il sort d'où celui-là, là? Bah, excuse, je suis arrivé, on m'a pas annoncé. Il sort d'où, lui? Non, c'est Bidon d'huile. Non, c'est pas moi, Gérard. Excusez-moi, pour non, la question, c'est. Hey, moi, je suis. Hey, Gérard, c'est le bordel, hein, quand hey, mais c'est pas là. Hey, toi, hey. Rigo, tu retournes là. Non, mais c'est là, c'est le bordel. Excusez-moi, on nous dit un canon, c'est fun, et on nous dit que le boulet, c'est Gérard, merci. Non, en fait, t'es fatigué, tu rentres chez toi. Ah ouais, j'ai compris, là. Hein, t'es fatigué, tu rentres chez toi, toi. C'est chaud, là. Hein oui. Parce que là, c'est le vrai bordel. Là, c'est... Je peux pas commencer le deuxième débat dans des conditions de merde, hein. Ouais. Alors, Fildar. Bon, les mecs. Fildar. Dégage chez toi, t'es fatigué. Allez, hop. Manu, au standard. Allez, c'est bon, ça y est, on se calme. Fildar, tu rentres chez toi, t'es fatigué. Allez, hop. Ça vaudra mieux. Alors, donc, pour toi, Marmite, toi... Le mot harcèlement sexuel, pour toi, c'est un canon. Bah ouais, donc, canon, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est un top modèle. Tu m'as démenti. Ouais, d'accord. Hein? D'accord, on est bien d'accord. Oui, d'accord. C'est ta réponse. Ouais. Frisbee. Oui, je crois que l'harcèlement sexuel, ça doit avoir un rapport avec Binghamton, non? Ah. Non, mais attends. Non. Frisbee. Oui. T'as la bourre. Oui, je suis là. C'est que veut dire le mot harcèlement sexuel? C'est pas de savoir si Bill Gingon il a été harcelé, ça on en a rien à foutre. Ouais, mais on est bien d'accord. Quand même, il a été harcelé quand même. Non mais attends, ça c'est son problème, c'est sa vie privée, c'est pas la mienne. D'accord. Gérard, on va accueillir le dernier auditeur, il s'appelle Sifflet. Mm-hmm. Allô? Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut Sifflet. T'appelles d'où? De nulle part. De nulle part. Alors donc la fréquence c'est nulle part, d'accord. Dis-moi Sifflet, je peux te siffler dedans. Bidon d'huile. Ouais, donc moi, pour moi, le mot harcèlement sexuel en lui-même, bah moi, pour moi, c'est les gens qui ont des problèmes à faire l'amour, voilà. Non, mais attends. Je pense que c'est ça. On te demande que... Je te pose la question, parce que je commence à en avoir marre. Que veut dire le mot harcèlement sexuel? Ouais, je vais te le dire, c'est les gens qui n'arrivent pas à baiser. Non, mais attends, toi, t'es con. Non, mais toi, il a rien compris, hein. Non, il comprend pas, lui. Non, mais attends. Prends-le hors antenne et explique-lui. Je vais lui expliquer parce qu'ils sont pas capables. Non, ouais, ouais. Prends-le bien. Toi, t'es même plus capable de faire des débats correctement à part faire l'AREA, c'est tout ce que t'es capable de faire. Ouais. Hein? Bidon d'huile. C'était lui. Il vient de virer, Gérard. Non, c'était Frisbee qui comprenait pas. Je suis toujours là. Mais alors, toi, pour toi? Mais je viens de répondre. Oh là là, mais c'est quoi là ce bordel? Ah, c'est pas moi, je suis plus là-bas. Hein. C'est quoi là ce bordel? Frisbee vient de répondre, bidon d'huile, faudrait peut-être savoir. Il est là, bidon d'huile. Mais je suis là, Gérard. Alors pour toi? Ouais, donc en fait, le harcèlement sexuel, c'est ceux qui sont harcelés sexuellement. C'est ceux qui sont, on va dire, comment je pourrais t'expliquer ça. C'est par exemple, c'est comme l'affaire Bill Clinton, voilà. Bon, non, je vois pas du tout le rapport. Point noir, t'es là toujours? Ouais, je suis là. Donc pour toi? C'est persécuter quelqu'un physiquement et moralement pour avoir son cul. Ouais, bon, non. C'est ce que je voulais dire. Ouais, mais toi, de toute manière, tu veux toujours dire ce que les gens y répondent avant toi. Il est heureux. Hein? Poupou. Ouais, en fait, le harcèlement sexuel, c'est t'as une fille, elle est là. Mm-hmm. Ok, après, t'as un mec, il est là. La fille, elle se met comme ça. Mm-hmm. Et puis le mec, il arrive comme ça. Ouais. Et il lui met là. Et puis la fille, elle dit ça. Oh non, mais attends, c'est voilà. Aussi dans l'autre sens quand même. Hein. Ouais, non, mais. Ah, mais non, mais il peut y avoir des variantes. Attendez, il y a une question IRC. Oui, sur IRC, on me demande pourquoi le harcèlement sexuel est-il sexuel? Ça, tu vois, c'est une question qu'on m'avait demandé de poser, que je pose pas, parce que je vois pas du tout le rapport. Parce que si on parle de l'harcèlement sexuel, de toute manière, automatiquement, harcèlement sexuel est sexuel. Donc, je vois pas du tout la question de poser aux gens, parce que si je demande à une personne de me répondre sur cette question-là, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Ben, parce que c'est sexuel, c'est tout. C'est tout. Tiens, c'est Facebook, là. J'ai compris. Je crois qu'on peut faire un harcèlement sexuel avec les pieds, par exemple. Mais non, mais est-ce que t'as compris la question IRC qu'on a eue? Je crois. Répète-la-moi si je me suis perdu. Alors, la question, c'était, est-ce que l'harcèlement sexuel est sexuel? Non, c'est ça. Pourquoi est-il sexuel? Voilà, pourquoi est-il sexuel? Bah, moi, je peux répondre. Qui? C'est point noir. Oui. Parce qu'il n'y a pas que l'harcèlement sexuel, il y a tout le harcèlement aussi. Ben ouais, mais attends, mais dans ces cas-là, pourquoi qu'il est excès, si c'est sexuel? Automatiquement, si on parle de l'harcèlement sexuel, de toute manière, on va parler de sexe. Donc, l'autre, avec sa question, je voyais pas le rapport. Si, regarde-moi, moi, sur l'IRC, c'est du harcèlement textuel. Voilà. Ouais, mais c'est pas pareil, toi. On va siffler. Attendez, quand même pas tout le temps les mêmes. Bah, moi, je considère que l'harcèlement sexuel peut être vécu comme un viol. Non, mais ça, parce que c'est si la personne ou si la nana n'est pas consentante, c'est considéré comme un viol ou comme un crime. Ouais, alors dans ce cas-là, moi la question que je vais poser, parce que là je pense que je vais pas faire toutes les questions, on n'aura pas le temps. Donc moi je vais déjà attaquer sur la 3, hein, c'est pas grave sur la 2. C'était quoi la 2, c'était quoi? Non, c'est que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel, mais ça... C'est un écran, bon. C'est pas mal. Ouais, alors qui veut répondre? Tiens, ben, Poupon. Ouais, oui. Non, sifflet, pardon, Poupon. Sifflet. Bah, moi, je pense que les personnes qui font ça, qui violent des personnes ou qui font du harcèlement sexuel, peuvent faire au moins de la prison et peuvent avoir aussi des amendes. Mmh. Donc, ok, je suis d'accord avec toi, sifflet. Là, il y a... On m'a donné un sondage. Donc, alors, sur la question, le harcèlement sexuel, donc, que pensez-vous du harcèlement sexuel? Donc, il y a 20% des gens n'ont jamais fait l'amour. 30% des gens sont puceaux et 50% des gens sont vierges. Alors, Gérard. Oui. Moi, j'avais entendu dire, excuse-moi, que 70% des gens étaient balance, ascendant cancer. Alors, attends, là je vais te dire une chose. C'est qui vient dire ça? C'est bidon d'huile. Alors, bidon d'huile. C'est bidon. Ouais. Bidon d'huile. Ouais. Tu vois, ton nom il porte bien. Bah, voilà. C'est vraiment bidon. Parce que là tu viens de jouer sur le signe astrologique du 7. Il non, a pas entendu. J'ai entendu vierge, donc moi je pensais que c'était les signes astrologiques. Bah ouais, attends. Et la manasseur dans la culotte d'un zouave, c'est astrologique ça? Bah, ça c'est pour problème, hein. Bravo. Bon. Bravo. Alors, bidon d'huile, adieu pour toi. Bon, Gérard, il y a Davy1 sur l'IRC qui te demande, alors, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour se faire harceler et est-ce que tu peux donner les adresses? Non, je donne. Adresses, non, non, mais ça, je... pas de la vie privée. Frisbees. Tu vas te calmer. C'est pas moi qui ai dit, j'ai dit qu'on parlait pas de la loco, moi. Marmite ou Point Noir, vous allez vous calmer toutes les deux, parce que... C'est une fille, alors. Bon, donc que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel? On va demander à Poupon. Ouais, bah déjà, je voulais dire à Tiflet qu'il y a une différence entre se faire violer et se faire ploter les fesses, par exemple, tu vois, une main aux fesses ou un viol, c'est pas la même chose. Mmh. Et deuxièmement, bon, bah tu risques une bonne paire de claques, hein, quand même. Ouais, mais attends, alors je vais te renvoyer la balle. Vas-y, renvoie. Par exemple, si la personne n'est pas consentante, et qu'elle est même pas capable de te mettre une claque dans la figure, comme tu viens de dire, et qu'elle porte plainte. Pourquoi t'as parlé de mettre la main aux fesses à des manchots? Pourquoi elle peut pas me mettre de claque? Non, mais attends, s'il te plaît, elle t'a bien dit, c'est entre ces deux trucs-là. Par exemple, si la personne ne peut pas, comment tu vas faire? Ah. Si tu peux me la faire décoder, j'ai pas... Non, attends, toi, bidon d'huile, tu la fermes. Ouais. Vrai, je t'ai dit de dégager, alors lui il dégage pour de bon. Ouais, je parlais avec mon pote. Je l'avais calmé, mais bon, je vois non, que non, c'est non, pas non, calmé, non. Donc hop, il dégage. Hop, là, terminé pour lui, c'est même pas la peine qu'il revienne sous un autre nom. Ouais. Donc, point noir. Ben, au pire, ce qui peut arriver au gars, c'est de se faire du bien, quoi. C'est-à-dire, tu crois que en harcelant une nana dans la rue, tu crois qu'il va pouvoir coucher avec? Bah attends, Gérard, il y en a qui aiment ça, hein. Ouais, mais attends, peut-être des nanas qui aiment ça. Bah des mecs aussi, hein. Bah ouais. Non. Non, qui ça peut être du jeu, Gérard. Ouais, non, mais attendez, pas tous à la fois. Qui est pas d'accord avec moi? Moi, Poupon. Oui. Poupon, bah, moi je dis, s'il y a des filles qui a des filles, il y a forcément des garçons avec, ils sont pas toutes seules. Elles ne se produisent pas toutes seules. D'accord. S'il te plaît, tu voulais peut-être répondre sur ce qu'elle vient de dire, là, Point Noir? Non, pas du tout, non. Non. Oui. Couscous. Allez, bonsoir Gérard. Bonsoir à tous, et Gérard, j'aime bien ce débat. Bonjour Couscous. Salut Couscous. Salut Gérard, ça va? Ça va, Couscous. Il n'y a pas de problème. J'ai pas regardé ce matin quand même, mais ça va quand même. Ok. Bon, Gérard, on y va là. Allez, un peu. Hein. Alors, Frisbee. Oui. Donc toi. Vas-y, pose-moi. Tu l'as entendu, je vais pas m'amuser là. La hein. deuxième ou la troisième Non, c'est la deux. Que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel? Hop. En même temps, Couscous, tu réfléchis à la question. Hein. D'accord, Gérard. Je pense que c'est vrai, on peut passer devant les tribunaux et puis se faire emprisonner, quoi. C'est risqué, il faut faire attention. Il faut vraiment bien prévoir ce harcèlement. Hein. Mm-hmm. Sinon, bon, on risque, comme je t'ai dit, voire même de se faire après harceler en prison aussi. Et ça c'est plus... Ben, de toute manière, c'est ce qui est arrivé à... Je sais plus qui, je veux pas citer le nom, parce que de toute manière, ça me regarde pas. Ouais, non. Non, sur celui qui a voulu jouer le con avec avec ses enfants, c'est ce qui lui il s'est fait prendre, il s'est fait tabasser dessus. Marmite. Oui. Donc pour toi, tu risques gros, et dans certains pays, tu peux même te faire couper les couilles. Ouais, non, mais ça, je pense. Ouais, non, mais ça, je pense qu'en France, c'est ce qu'on devrait faire sur ceux qui pratiquent ça sur les mineurs. Hein. Ça va pas? Ah ouais, sur les mineurs, mais c'est pas du harcèlement sexuel. Hein. Non, mais alors c'est quoi? Attends. Attends. Non, mais attends. Marmite. Attendez. Marmite. Marmite. Oui. Moi, je vais dire une chose. Alors, si c'est pas du harcèlement sexuel quand tu t'attaques sur un mineur, oui, sur une mineure de 15-16 ans, alors oui, c'est quoi pour toi? Je pensais qu'on parlait de harcèlement sexuel au travail. Non, mais que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel, c'est-à-dire si tu t'en prends sur une jeune de 16 ans dans la rue, il faut pas que tu arrêtes de parler de ça. Hein. Bon, bah alors. GG, on parle pas des mineurs. Couscous. Attends, couscous. Minitel. Pas Minitel. Internet. Donc voilà, sur l'IRC.fanradio.fr, je le rappelle quand même, il y a Nesquik qui te demande si le harcèlement sexuel est une discipline olympique. Je vois pas du tout le rapport. Hein. Ceinture noire de karaté. Ouais, demande-lui s'il n'y a pas ceinture noire de karaté, lui, pour dire des conneries comme ça. Tu peux lui demander toi-même. Hein. T'as juste à le dire dans le micro. Bah, tu réponds à la question, est-ce que tu es ceinture noire de karaté pour me sortir des conneries? Donc, couscous pour toi. Ouais, bah, moi, Gérard, je pense qu'avec le harcèlement sexuel, on peut prendre un grand coup de merguez dans la boîte à smoule. Ça m'aurait étonné que tu ne sors pas, ni sortes ta merguez avec ton couscous. Ah oui, il y avait longtemps que j'étais pas passé sur l'antenne. Eh ouais, mais t'es passé il y a quand même 15 jours. Hein. Ouais. Ouais. C'est ça qui voulait réagir, la vite fait. Moi, je voulais dire que dans ton débat, là, quand même, c'était un peu. On se fait un peu chier, et puis bon, je raccroche. Hein. C'est de la merde. Au revoir. Ouais, comme quoi. Au revoir. Ah, bon, ouais, comme ça. Bonne nuit. C'est bien. Ah non, on se bien. C'est bien, une place de libre. Ah ben c'est bien, ça fait une place de libre pour les autres. Ouais. Comme ça, si tout le monde pouvait me dire que mes débats c'était de la merde, et ben dans ce cas-là, on fera plus de débats. Ouais, Gérard. Moi, très bien, je m'en fous, hein. Non, j'adore tes débats, Gérard. Moi, si tout le monde se plaint que les débats c'est de la merde, dans ce cas-là, moi, je fais encore une question. À 2h, je laisse la place à Rousseau. Je rentre chez moi et j'ai envie. Il était aigri, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, ben, je vais reprendre. C'est tout. Votre patron vous a-t-il déjà harcelé? Donc, voilà, on va revenir avec la question que Marmite m'avait posée en premier. D'accord. Donc voilà, donc je te pose la même question aussi, toi. D'accord, moi, ouais, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, ouais. Et ouais, mais... ça, donc je dis rien, quoi, au contraire. Ah ouais, non, mais attends, dans ces cas-là... Oui. C'est une cochonne. Non, attends, Poupou. Ouais, Poupou. Ouais, je suis la braise. Ouais, Poupon. Ouais, bah c'est qu'elle aime ça, si elle dit rien, c'est que ça lui plaît en fait. Donc, bah ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi pour pas qu'ils viennent se plaindre après que. Bah ouais, mais dans ces cas-là, si t'aimes ça, c'est que t'as envie d'avoir plus que les autres qui travaillent avec toi, c'est ça? Non, c'est pas ça, ça permet de coucher sans t'engager, quoi. T'as pas de mec, tu couches avec tes collègues. Comme... Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, si tu couches avec ton patron, c'est parce que tu veux avoir un peu plus que les autres, c'est tout. Je suis désolé. Stop, parmi. Non, juste, vite fait, il y a Titus sur l'IRC, il demande ton patron ou ta patronne. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est... Il a pas tort. Ouais, j'aurais pu préciser. Oui, Manu. Donc, à la place de Frisbee qui a raccroché, on accueille Focu, il appelle d'Angoulême sur 92.4. Bonsoir, Gérard. Salut. Focu. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bidon, lui, il est parti. Ouais, c'est couscous. Ouais, il y a couscous à sa place. Donc, point noir. Ah ouais, moi, c'est pas mon patron qui me harcèle, c'est moi qui le harcèle. Ben non, alors encore attends. Attendez. Il y a que des cochonnes, je suis désolé, regarde. Il y en a une qui laisse faire et c'est l'autre qui harcèle son patron. Poupon. C'est toi qui viens de réagir comme ouais, ça, là. Ouais, c'est moi, ouais. Non, mais attends. Si. Il y a que Sifflet qui est pas cochonne. Il y a que Sifflet qui est normal. Ouais, mais Sifflet, ça, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Ouais, elle va répondre, elle. Ah, le boss, il va être content. Qui? Rien. Bah si, finis ta pensée. Bah rien, je sais pas, Sifflet, elle a peut-être pas de boss, c'est peut-être pour ça. Moi, c'est mon cas, en fait, je suis chômeur, donc j'ai pas de patron. Ouais. Donc, je peux pas me faire harceler, quoi. C'est pas le problème. Ok. Attends, point noir, à 17 ans, c'est toi qui te fais harceler par un patron? Bah oui. C'est toi qui harcèles les patrons à 17 ans? Bah, non, mais tu me prends pour qui, là? Bah pourquoi? Je fais un contrat d'apprentissage dans une boulangerie, je travaille. Ouais. Et mon patron, il me plaît, donc je fais du harcèlement sexuel. Ah ouais, bah dans ces cas-là, à 4h du matin, tu te réveilles et tu vas exploiter les coucouillettes alors qu'il fait sa baguette. Elle va lui exploiter les pois chiches. Je le touche pas, je le provoque. Je le travaille au corps. C'est pas pareil. Ah, mais alors, c'est pareil. Non, c'est pareil, parce que tu en travaillant sur le corps, tu peux descendre... Mais pourquoi tu l'éclates les... Moi, je t'ai dit, j'ai pas de boss, donc au pire, je peux me faire harceler par la nana de la NPE, quoi. Mmh. Mais non, je peux pas me faire harceler par mon boss, il y a pas rien. T'aimerais ça si t'avais une patronne? Si j'avais une patronne ou un patron, pas des masses. Ouais. Parce que je suis pas fan de l'usine à tout faire, quoi, mais une patronne, je sais pas. Pourquoi pas. S'il te plaît. Non, je me suis jamais fait harceler par un patron ni rien du tout. Oh, bah c'est clair. Non, mais pourquoi, dans quel sens? Elle n'a pas de patron. Et chez moi, parce que j'ai jamais eu l'occasion. Elle ne travaille pas. Ouais, d'après moi, elle doit pas être bien vert. Toi, tu ferais mieux de regarder ta montre. Hein. Alors. Je sais pas qui c'est qui a voulu lui poser ce. Je pense qu'elle a une voix bien mignonne. Je la vis très bien, ma couscous. Ouais. Ouais, elle a l'air sexy. Hein. Couscous pour toi. Oui, ben, j'ai pas entendu la question, excuse-moi. Ah, ben, d'accord. Votre patron vous a-t-il déjà harcelé? Ben, moi, je travaillais à l'usine, alors mon patron, c'est un mec et moi, j'aime plus les grosses pattes mal, alors je peux pas me faire harceler. D'accord. Focus, pour terminer moi, sur cette question. Moi, Gérard, j'étais au standard avec Manu, j'ai pas entendu la question. Non, mais attends, ouais. Non, c'est vrai. Ouais, non, mais t'aurais pu lui expliquer la je question. Je vais calmer, j'ai pas eu le temps, tu viens de l'appeler, donc... Alors, focus, pour la dernière fois, je répète la question. Votre patron vous a-t-il déjà harcelé? Non, j'ai pas de patron. D'accord. Et donc, tu t'es jamais fait harceler? Bah non, parce que je suis mon propre patron, donc quand je me tape des branlettes, à la rigueur, je m'harcèle tout seul. D'accord. Et tu te tapes les branlettes avec... Là, il est chaud comme la braise. Focus. À mon avis, tu te tapes des branlettes avec tes secrétaires. Ah non? Ah bah si, t'as quand même des secrétaires si t'es patron. Non, des secrétaires, mais mal. Ouais, des mauvaises, d'accord. IRC, oui. Sur IRC, il y a Cab qui te demande s'il y a harcèlement sexuel quand on branche son synthé. Ah bon, là. Non, rien à voir. C'est pas du tout le... Carnet d'amour. Oui. Alors, la question. Peut-on... On va réfléchir, hein. Vous allez réfléchir à la question. Peut-on dire que c'est un produit vendu en magasin et on va s'écouter des gens débiles? Je respire la sardine et on se retrouve tout de suite après. Vous pouvez nous appeler au 0803-08-5000 et toujours le... www.fanradio. A tout de suite. Les divas Fan Radio d'insultes. De Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter les gens débiles. Je respire la sardine. Je ne sais pas si c'est vraiment ça comme titre. On nous a laissé ça, donc il est parti, donc il nous a laissé ça. Donc maintenant, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et toujours l'IRC qui marche super bien, je crois. Combien de connectés On a dépassé les 800. J'espère atteindre les 1000 d'ici 3h du matin. Combien? On me dit 989, on y est presque. Joli. Attends, déjà la semaine dernière, on était à 856. Bon, pas les records ce soir encore. Hein. C'est dommage que le Minitel ne fonctionne pas, parce que je crois qu'à partir de 200 connectés, il n'y a plus personne. Ça a sauté. Ah ben alors, c'est dommage. Donc on va récupérer Marmite. Marmite. Ah, j'ai allumé, hein. Oh, ouais, pardon, c'est bon. Marmite. Bonsoir. Rebonsoir. Point noir. Salut. Rebonsoir. Poupon. Oui, bonsoir à tous. Rebonsoir. Oui. Sifflet. Bonsoir. Rebonsoir. Qu'est-ce qu'on s'est avec les merguez? Allô, everybody. Everybody. Ok. Focus. Oh, oui, moi. Je vais répéter la question pour qu'il la comprenne bien. Oh ouais, non, mais quand je dis on prend, on n'attend plus. Focus, t'es là? Ouais, tranquille. Ok, c'est bon. Donc, la question, je ne vous la repose pas. Ouais. Donc, maintenant, on va demander, tiens, Focus, comme tu étais au standard, on va savoir ce que t'en penses, toi. Moi, je ne suis pas trop d'accord, en fait. Alors, explique. Bah, ça peut pas être une marque. Non, mais attends, je te demande d'expliquer. Si tu me dis ça peut pas être une marque et que tu me fais un blanc, c'est pas la peine. C'est toi, non, mais je pense que ça peut pas être une marque parce que je vais pas acheter de l'harcèlement sexuel. Mais est-ce que c'est un produit vendu en magasin, c'est tout? Je te demande pas si c'est une marque. Bah, si c'est un produit vendu en magasin. Parce que dans ces cas-là, moi je peux dire. Tu vas acheter de l'harcèlement, toi? je peux dire, moi, j'achète du chewing-gum, je sais pas quoi, et dedans, on va me mettre du sperme et je vais manger ça. Oh. Bon, bah alors, et alors c'est un produit qui est vendu quand même. Quand je suis d'accord avec toi, mais tu vas aller dans un magasin et dire bonjour, je vais acheter un petit peu d'harcèlement et un petit peu de sexuel. Ok. Couscous. Ouais, ben, moi, j'achète du harcèlement sexuel à l'épicerie chez bébé. Hein. Ouais, ok. T'achètes les couscous, les pois chiches et les merguez. Ah ouais, il n'y a pas de problème, Jean. Le mouton et le poulet. Il n'y a pas de problème. Mais okay. C'est quand tu veux pour qu'on fasse une couscous partie et se mettre à la merguez. D'accord. Sifflez. Oui, je pense que ça peut être un produit vendu en magasin parce qu'il existe bien le Viagra. Hein. Ouais, non, mais attends, et toi, si tu commences à me bouffer les questions, toi, je pense que tu as passé... Non, mais c'est vrai, Gérard, il existe bien le Viagra, donc pourquoi pas... Ouais, mais ça, le Viagra... Le Viagra, c'est pour ceux qu'on... Oui, ceux qui sont impuissants. Ouais, bah tiens, bah justement, bah tu fais bien d'en parler, du Viagra, tiens. Voilà les deux thèmes de la semaine prochaine, on les a trouvés. Le Viagra et le Gras. Ouais, le Viagra. Donc pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas. Poupon. Ouais, bah le vieux gras, moi j'aime pas trop, mais... Non, mais attends, ça c'est pour la semaine prochaine, la question, le débat, c'est pas pour cette semaine. Pour le vieux gras, c'est ça? Non, pour l'instant, c'est sur l'enseignement sexuel, c'est pas sur le vieux gras. Alors, en supermarché, moi je dis que vous avez rien compris, si tu veux trouver du harcèlement sexuel en supermarché, tu vas au rayon, je sais pas, poissonnerie ou légumes, n'importe quoi, ouais. Et tu verras, bah, le chef de rayon, s'il met la main aux fesses, bah, aux vendeuses ou aux caissières, et bah, là, il y a harcèlement, c'est tout. Non, mais attends, comment c'est tu tout, peux... C'est tout. Bah, écoute. Harcèlement, si tu veux le trouver sinon. Mm-hmm. Forcément, il y a des mains qui flottent des fesses dans les supermarchés, donc il y a du harcèlement. Forcément. Ouais, non, mais moi, de toute manière, une fois, je pense que Sifflet peut le dire, une fois, j'étais dans un supermarché. Et tu t'es fait flotter les fesses. Non, c'est pas ça, c'est que on est en train de boire de l'eau parce qu'il y a. Il y avait de l'eau à dispo. Attends. Tu bois de l'eau, toi? Tu es allergique? Non, je bois de l'eau, tu vois, alors me prends pas les... Ouais, arrête, non, bah... Non, tiens, Sifflet, elle peut te le dire, sans le faire exprès, c'est elle qui... Je sais pas comment j'y ai fait, j'avais pas envie de finir mon verre, et elle était juste derrière moi, je me suis retourné, j'ai balancé le verre dans la tête. Tu connais Sifflet? Franchement, je me rappelle pas du tout. Ah, tu t'en souviens pas, ben c'est pas grave. Donc, à la question, comment faites-vous... Vous faites... harceler sexuellement, donc il y a 10% de gens qui sont harcelés sexuellement par téléphone. Ça, c'est vrai que par téléphone, c'est... Ouais, ça, c'est... Je pense qu'ils auraient été un peu plus nombreux, ça aurait été mieux. C'est horrible. Hein. 60% des gens se font harceler par courrier. Ça, j'en connais un qui est bien placé. C'est clair. Merci, chef, de mettre la super musique de boîte de nuit. 30% des gens se font harceler par des rapports. Ouais. 1% des gens ont dit... Ils me mettent sa bite dans ma chatte. Oh, là, je crois que... Moi, j'aimerais bien avoir le numéro de téléphone du 1%, là. Ouais, ben... Ouais, ça m'intéresse. Ben, Manu, il va se faire un plaisir de te trouver, okay, ça. Ok, moi, je vais trouver ça, il n'y a pas de souci. Ok. Parce que là, je sais qu'il y en a une, pour l'instant, elle attend encore mon chef, là-haut, grave, hein. Elle est grave, elle est encore là-haut, hein. Gérard, sur IRC, il y a Cigar qui te demande si le harcèlement est héréditaire. Comment ça? Ah, possible. Ah, c'est des histoires de famille, ça, hein. Olivier, tu m'éteins ça avant que je me déplace et que je t'éclate tes petites lunettes. Vite. Ok. Bon. Bonjour, t'as pas répondu à la question, est-ce que le harcèlement est héréditaire? Ça, je peux pas savoir parce que j'ai pas goûté à tout ça. Donc, point noir. Ouais, bah écoute, moi en magasin, franchement, j'en ai jamais vu. Mmh. Par contre, Bah toi, tu travailles en boulangerie, donc en grande surface, ça m'étonnerait que tu puisses voir ça. Ouais, non, mais attends, je sais que... Non, enfin, je fais des courses quand même, quoi, je veux dire. Mais par contre, par correspondance, oui. En fait, on te vend des cours, donc c'est des cours qui sont payants, et tu payes après les résultats. Donc si leur technique marche, tu payes, et si ça marche pas... Dans ce cas-là, on revient sur les 60% qui sont harcelés par courrier. Ah non, absolument pas. En fait, moi, j'ai fait appel donc à une société et qui te vend donc des cours d'harcèlement sexuel. Mmh. Ils t'envoient une technique de savoir-faire, tout ça. Donc, ils t'envoient ça par courrier. Donc, tu suis à la lettre toutes les instructions. Ensuite, quand t'as envie d'harceler quelqu'un, comme moi j'ai harcelé mon patron, ça a marché, j'ai payé, et quand la technique ne marche pas, tu payes pas. Et si tu veux, je peux te donner une adresse. Non, on s'en fout. On s'en fout. Mais attends, un point noir. Oui. Tu vas pas me dire que t'as payé ton patron pour te faire harceler. Non, c'est pas... Non, mais attends, tu captes vraiment rien. Non, c'est dalle. Hein. J'entends, si je suis grave dans ce cas-là, t'as qu'à pas dire de conneries parce que j'ai bien entendu dire que t'avais payé. Non. Gérard, elle a payé un organisme pour lui apprendre à harceler. Non, elle a payé aussi son patron. Non, elle a payé aussi le patron. Bon, Marmite. Oui. Moi, une fois, j'ai piqué un truc dans un magasin, donc c'est pas bien, mais bon. Je me suis fait choper, donc j'ai tourné au directeur, donc j'ai proposé de me harceler. Comme ça, ben, on a annulé la Elle a sucé le vigile et ça se fait pas. Ouais, je pense, ouais, à mon avis. Attends, c'est celle dédicace à Thierry. Non, mais ça, je peux vous dire une chose que je sais pas, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de me faire harceler dans un magasin. Bah, t'as pas de chance. Ben, je préfère. Ah ouais. Alors, moi, je préfère être tranquille que de me faire harceler par des emmerdeuses. Ça n'accepte pas les moyens aussi. Voilà. Donc, moi, c'est pas moi qui irais payer pour me faire harceler. Ouais, ça s'appelle une putain quand même. Hein. Je vais te demander un truc. Oui. C'est qui? C'est Focu. Oui. Il y a Manuel sur Minitel qui demande si tu suces pour une binouze. Bon, alors, Focu. Focu, tu sais ce que tu as fait là? Tu vas aller voir Manu au standard parce que tu commences à me gonfler avec tes conneries. Il a raison, c'est un message Minitel. Non, mais attends, les messages Minitel, pour l'instant le Minitel, on est à plus de 100 connectés, donc il fonctionne pas. Je vois pas pourquoi ils s'amusent à me dire des conneries comme ça. Donc Focu, tu vas voir Manu au standard. Si ça va pas, tu vas dégager. Calme. Si ça va pas, tu vas dégager. Je peux pas, Gérard. Donc le harcèlement sexuel, peut-il être consentant? Donc je répète, le harcèlement sexuel peut-il être consentant? Ouais, coupon. Oui. Coupon, ben écoute, moi j'ai un exemple. Je me souviens, il y a quelques années, je me suis harcelé par une fille, donc une femme qui était ma patronne à l'époque, et elle sentait du con, donc elle avait le consentant, ouais. Ouais, non, mais elle était consentant. J'allais la faire, merde. Ouais, je suis désolé, Rigo. T'étais consentant? Non, moi j'étais juste d'accord. Ah, t'étais d'accord, donc tu te sentais consentant, tu te sentais bien dans ta peau quand tu l'as proposé. Ah, je me sentais carrément con, hein, ça c'est clair. Bah ouais, d'accord. Ouais. Focus, si c'est calmé. Ouais. Oui, je me suis bien calmé. Donc alors, vas-y. Mais je me suis calmé, j'ai pas pu entendre. Je vais répéter, il voulait savoir si t'étais consentant pour te faire harceler dans le sexuel. Voilà. Ah oui, mais vu que moi je suis mon propre patron, je peux pas être consentant ou pas, puisque j'ai pas de problème là. Ta main droite, elle est d'accord avec ta main gauche quand tu te pignoles, donc t'es consentant. Ouais. Bah ouais. Bon, d'accord. Ah oui. Là, je pense que... Le problème, c'était... c'est que j'ai pas de problème, en fait, de ce problème là, puisque je suis mon propre boss. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Poupon, c'est pas la peine d'essayer d'y faire comprendre, parce qu'apparemment, il a l'air de nous prendre pour des cons. J'essaye de l'aider, quoi. Enfin, Non, mais il nous prend pour des cons, ouais, donc... Allez, tu me prends quelqu'un d'autre à la place, parce que ça vaudra mieux. On va pas s'amuser avec un... J'arrête, je coupe, là. Non. Couscous. J'ai coupé. Ah, Rachid, hein, sur la couscous, hier, je mets un grand coup de chipolata, elle est consentante, hein, y a pas de problème. Non mais attends, parce que Olivier, il vient de reprendre la peau, parce qu'il y en a un qui était crevé, donc il commence à s'amuser à me faire des conneries. Ah, donc, welcome back, Oliver. Donc, pour toi, couscous, donc... Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je suis toujours consentant pour faire l'amour, il n'y a pas de problème. Ok. S'il plaît. Non, je pense que l'harcèlement sexuel peut pas être consentant. Bon, ça va, là, vous me laissez parler un peu? Oh, Sky, non. Oh là là. Olivier, tu commences pas, d'accord? J'ai rien fait. Non, t'as rien fait, à peine. Les autres, vous vous calmez quand je pose une question, s'il vous plaît, d'accord? Y a pas de problème. Ouais. Bon. Donc je disais, non, le harcèlement sexuel peut être considéré comme... peut être consentant. Oh putain, moi j'arrête, hein. Oh là là. C'était une belle voix, s'il vous plaît, c'est dommage. Allez, Charles, encore. Elle est pas conne, en plus. Et voilà. Oh, merci. Merci pour celui qui s'amuse à faire cette connerie. Donc là, elle a arrêté, c'est même pas la peine d'essayer de la rappeler, elle reprendra pas. Oh là là, alors, point noir. Mais je vais dire que sur IRC, tout le monde est content qu'il n'y ait plus sifflet. Appelez l'invité mystère. Sur IRC, moi, je les emmerde que sifflet soit plus là, c'est tout. Au standard, à la place de Focu qui était tout bidon, on accueille Mathieu, lui, il s'est fait harceler sexuellement par sa patronne, et en fait, ça a fini par une belle histoire d'amour, quoi, en gros. Non, mais attends, pour l'instant, on n'en est pas là-dessus. Sur consentement. Ben non, ben oui, mais je t'explique ce qui s'est passé dans sa vie. Ok. Point noir. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Mais vous allez faire ça jusqu'à 3h du matin, là? Avec qui? Bah Attends, c'est la première fois que je te demande de répéter. Le harcèlement sexuel, petit-elle, consentant. Petit-elle. Petit-elle. Voilà. D'accord. Donc le harcèlement, petit-elle, consentant. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, moi je pense que, ouais. Enfin, c'est un avis personnel, mais ouais, je pense, ouais. D'accord. Marmite. Bah oui, moi, oui, c'est clair, oui, je suis consentante. Ouais, bah ça, de toute manière, je pense que les trois quarts des personnes sont toutes consentantes sur des problèmes comme ça, hein. Bien, bien, c'est bon. Mathieu. Oui, ben moi j'étais complètement consentant puisque j'ai eu donc un harcèlement sexuel de ma patronne. Mmh. Et ben maintenant je suis marié avec. Ah d'accord. Et ben oui. Et t'as quel âge sans indiscrétion? J'ai 23 ans. Et ben rien. Oui. Elle t'appelle elle d'où sans... Bon Olivier, tu vas commencer par t'écraser parce que tout à l'heure tu as dégagé, ça va aller vite fait. D'accord. Donc, t'appelles d'où ? De Toulouse. Toulouse, de la fréquence ? Bah, moi, je sais pas parce que je l'écoute sur Internet. En 17.5. Ouais, ben, non, je pense pas, hein. Si, je crois pas, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Non, parce que c'est pas la première fois qu'on c'est a des gens de Toulouse. La fréquence, tu verras. Non, mais moi, je pense que si je la demande à Manu, le temps qu'il a fait, on verra. Alors, donc, moi, je peux vous dire que je me suis jamais percelé, donc, même le jour où ça arriverait, je sais pas si je serais consentant là-dessus. Donc, voilà. Pourquoi ? Bah attends, explique-moi pourquoi. Bah parce que je veux pas me faire harceler par n'importe qui déjà pour commencer. Ah mais pourquoi elle est mignonne. Ouais mais ça dépendra de la personne. Et tu donnerais pas ton consentement ? Non. Donc les animaux pratiquent-ils le harcèlement sexuel ? On va demander à Marmite. Ouais les chiens. Mmh. Il y en a plein, ils viennent sur moi puis ils frottent leur zigounade sur ma jambe, c'est désagréable. Bah ça c'est... Moi je vais te dire une chose Marmite, je pense que point noir... Oui. Point noir, ça va être pareil. Ouais, ouais. C'est surtout chez les bulldogs. Oh. Oh là là. Ouais. Olivier, tu fais gaffe. Il y a Gérard qui m'attaque. Olivier, tu fais gaffe, c'est la dernière fois. D'accord. Ah non, Olivier, on était content de t'avoir. Reste. Hein ? T'amuses pas à faire des conneries, toi. Tiens. Oui. On accueille Casse-toi à la place de Sifflet. Salut Gérard. Salut Casse-toi. Casse-toi, salut. T'appelles d'où ? Casse-toi. J'appelle de Seine-et-Marne. Mmh. Et la fréquence, c'est 101.9. Ouais, voilà. 101.9. Ah, ok. Donc, on va demander à Point Noir. Ah, attends, Marmite, tu me disais, toi ? Que j'étais sexuellement harcelée par les chiens. Non, mais ça, je peux... Maintenant, il y a quand même trois filles et trois garçons. Oui. Je pense que les trois quarts du temps, les nanas, c'est quand vous avez vos règles. Et ça, je peux vous le dire. Moi, attendez. Je vais continuer. Oui. Moi, j'ai le chien de ma copine, donc... Il frotte toujours à ta jambe quand t'as... Non. Non. Il va carrément sur sa sœur. Oula. Donc, je pense, à chaque fois, dès qu'elle a ses règles, hop, tu peux être sûr que t'as le clébard qui est là. Hein. Ouais, il suffit juste de te laver, Gérard. Hein. Tu sens pas, ça sent pas. Hein. Ben, faut te laver, c'est tout. Non, mais c'est pas moi hein, qui... Non, mais dis-le à ta belle-sœur. Non, mais de toute manière... Ou à ta meuf. Non, mais attends, ma meuf, elle t'emmerde, quoi. D'accord. Ah. Tiens, ben, Poupon. Oui. Donc, pour toi. Bah écoute, moi, bon, déjà, j'ai un gros problème, je sais que tu vas pas être d'accord, mais moi, j'aime pas les animaux. Donc, je vais te dire, le premier clébard qui vient se frotter sur ma jambe, il prend un coup de savate. Non, mais alors, dans ce cas-là, je vais te dire une chose que... Non, ça dépend du chien. Non, mais t'es vraiment dégueulasse de dire ça, c'est tout. C'est un gros Rottweiler, je vais le terminer, c'est un caniche, je me fous. Non, attends. C'est dégueulasse, là, franchement. N'importe quoi. Attends, j'ai pas envie de me faire fermer par un clébard sur la jambe. Ouais, Gérard, moi j'ai déjà vu deux dromadaires qui se frottaient la botte, ils étaient en train de se masturber eux-mêmes. Dans le désert du Sahara, en plus. Bah, attends, à la place des dromadaires, il y avait pas des chameaux ? Oui, il y a pas de problème, mais c'est pas le même nombre de bosses, donc ça fait pas le même effet. Ouais, les chameaux, ils ont deux bosses. Ouais. Non, une. Non, ils en ont deux. Non, ils en ont deux, les dromadaires, ils en ont une. Oh, les filles, ça veut dire deux en arabe. Merci pour l'humour, les filles. Mathieu. Ouais, ben moi, je pense pas que les chiens et les animaux sont capables de nous harceler sexuellement. Je pense que c'est pas... Ils ont tout ce qu'il faut, hein. Ils ont une quéquette, ça suffit. Hein. Ben ouais, mais comment tu veux qu'ils reproduisent, alors ? Combien qu'ils aillent sur une femelle ? En plus, ils arrivent à se la lécher. Non, moi je sais qu'il y a déjà des chiens qui m'ont mis des mains au cul, c'est pas super agréable. Attends, un chien te met une main, une queue, ouais, c'est quoi? C'est du rayon, elle te met une patte, ouais. Bah, c'est plutôt mal, ouais, t'as touché le pied. Non, bah, ça m'est déjà arrivé, un chien qui me fait un clin d'œil, par contre. Bon, attends, Couscous, l'autre, quand il me dit un chien, il a fait un clin d'œil, vu qu'il a ouvert ta tronche, ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi. Les premiers chiens que tu vois dans la rue, ils sont pour toi. Hein. Casse-toi. Gérard, sur IRC, on me demande si tu t'es déjà toi-même harcelé sexuellement. Non. Avec ta main droite ou gauche? Non plus. Alors, casse-toi. Oui, bah, excuse-moi, j'ai pas entendu la question, tu peux la répéter? Les animaux pratiquent-ils le harcèlement sexuel? Ah, j'y crois pas, là, du tout. C'est quoi le débat, Gérard? Les animaux. J'étais pas là au début. Non, mais toi, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. T'étais dans le studio en train de faire le con, alors... C'est sur les animaux. Ils travaillaient. Ouais, non, mais ils travaillaient, mais ils avaient qu'à écouter. Et tu m'étends ce son, parce que tout à l'heure, je vais te faire du... Je vais te mettre une barre. Alors, cinquième question, Manu, tu m'étends... Est-ce que je peux répondre, moi? Qui? Point noir. T'avais pas répondu, toi? Bah non, j'ai pas répondu. Tu m'as posé la question et puis tu m'as coupé en plein milieu. Ah bon, bah alors, vas-y. Ouais. Donc, je voulais te dire que c'est vrai qu'effectivement, les chiens sont réputés pour faire du harcèlement sexuel et surtout la race des bulldogs. Bon, mais ça, c'est partout, hein. Pas drôle. Donc, voilà. Moi, je peux... Oui? Non, rien. Donc, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais vu des animaux le faire, mais bon, peut-être qu'un jour, j'en verrai. La question... Avez-vous déjà été harcelé? Je pense que j'avais personne à poser cette question-là. Ouais, j'avais oublié de donner des sondages. Donc, il y a 55% des gens qui répondent qu'ils ne sont pas bricoleurs, donc je vois pas le rapport avec le harcèlement. 40%... Les gens répondent qu'ils préfèrent le foot, donc je vois pas du tout le... Le foot? Ah, pardon. Le football? Ah, oui. Donc je vois pas du tout le rapport avec le harcèlement sexuel. Ça, c'est le sondage. Donc 5% des gens répondent qu'ils se foutent de la politique, je vois pas du tout le rapport avec le harcèlement sexuel. Rien à voir. Hein. Et 0% des gens n'ont pas compris la question. Alors, s'ils n'ont pas compris la question... Donc, il y a 0% qui n'a pas compris la question, bah, c'est bien, comme ça me fait plaisir. Les Mongols. Pour moi, c'est des Mongols, c'est des petits cons. Ouais. Sur Minitel, il y a Caroline Dez qui dit qu'elle veut te voir à la loco. Mais oui, il y a personne. Tiens, regarde. Ah, il y a un connecté. Deux. Un connecté. Bah, allez, c'est les parents, Olivier, de toute façon. Ah, bravo. Non, je pense pas. Le téléphone ne répond plus, Max. Je te branche. Bon, d'accord. Ok. Donc, cinquième question, avant qu'on fasse la pub. Non. Il n'y a pas de pub, Gérard. Avant qu'on... La pub à 2h30 du matin. Gérard, il y a la pub. Non, avant qu'on... avant qu'on s'envoie un petit disque. Ouais. Alors, être harcelé sexuellement peut-il devenir une maladie? On va demander à Casse-toi. J'ai pas compris ta question, Gérard, tu peux répéter, j'ai rien compris. Être harcelé sexuellement, oui. Peut-il devenir une maladie? Bien sûr. Mais alors, ça n'a aucun rapport, quoi, je veux dire. Si, moi je sais. Qui? Poupon. Ouais, vas-y, Poupon. Si tu penses que ça peut être une maladie, il faut que tu vois ça en fait avec ton boss, parce que ton boss, il a fait l'émission du dimanche soir, c'est Malade Nocturne. Oui. Et Malade Nocturne, c'est donc pour guérir justement la maladie du harcèlement sexuel. Non mais attends, mon boss, oui. Mon boss déjà, il a un nom, il s'appelle Max. Bon, Max. Hein? Il a fait... Voilà, comme dit Côte-Côte, mais il n'a pas fait ça dans le but de faire chier, c'est tout. Mais je t'ai pas dit dans le but de faire chier, c'est pour soigner la maladie, c'est fait pour ça, c'est pour ça que mais attends, mais c'est pas avec la musique que tu vas te faire harceler, espèce d'abruti. Mais non, t'as guéri du harcèlement et c'est pour ça que ça s'appelle... Ah ouais, tu crois que la musique a guéri le harcèlement bien sexuel. C'est une nouvelle thérapie New Age Goer et ça Malade Nocturne. Ouais, avec ton une Malade Nocturne. Ok, une question IRC. Oui, il y a Nostradamus Nostradamus. Je te demande s'il existe des traitements à base de médicaments. De médicaments, non. Pas de médicaments. Pas ma connaissance. Casse-toi. Je t'ai répondu, Gérard. Hein. Non, c'est pas toi qui viens de me répondre, c'est Poupon. Bah non, mais j'ai répondu juste avant que je disais que ça avait aucun rapport. Hein. Bon, ok. Mathieu. Moi, je pense que oui, ça peut être une maladie d'être harcelé sexuellement. Mm-hmm. Effectivement. Ok. Couscous. Ouais, ça peut être une maladie, mais il faut consulter un bon médecin qui peut te traiter au couscous pour que tu te soignes. Ouais, d'accord. Avec, pas de problème. Avec les merguez, les pois chiches. Non, non, non, que la semoule, que la semoule. Que la semoule. Et ouais. Pourquoi pas avec une carotte? Non, mais il la fume, la semoule ou quoi, lui? Non, mais attends, il est. Il fait bien. Ah, mais il habite dans une couscoussière. Non, non, mais lui. Non. Restez quand même poli, parce que c'est quand même bien qu'on aille un mec comme lui, au moins pour nous donner un peu d'ambiance dans les débats, parce qu'avec vous, je crois qu'on s'ennuierait. Mais c'est là pour ça, je peux t'en mettre. Moi, je suis gentil, genre. Pas que de l'ambiance. Je l'attends bien, mon ambiance, hein. Poupon. Oui, ben, je t'ai déjà répondu, je t'ai dit malade nocturne. Alors, point noir. Moi, je pense pas que ça peut devenir une maladie, par contre, je pense que ça peut devenir un remède. Ouais. Marmite. Non mais Olivier, c'est pas la peine de t'amuser parce que tout à l'heure je vais terminer à 2h30, moi ça va aller vite. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Marmite. Oh non. Oui. Oh non, Gérard. Marmite. Moi ça c'est bon. Non, Gérard. Oh non. Ah, s'il vous plaît derrière, vous laissez finir les questions là. Marmite. Moi ça me rend malade quand je me fais harceler, ouais. Bon, ben, toi, c'est carrément... Voilà, c'est une maladie. Ça, c'est carrément une maladie pour toi. Ouais, ben, toi, si t'en as pas, t'es malade. Bah, carrément. Donc, plus t'en as et plus t'en veux. Bah, plus j'en ai, plus j'en ai, plus j'en veux, ouais. Ouais, et plus t'en... Si t'en as pas, ça devient grave. C'est comme de la drogue. Ouais, c'est une drogue, ouais. Ouais, ben... Attendez, il y a une question. C'est une question, Gérard. Alors attends, est-ce que lorsque l'on pense à toi, Gérard, c'est du harcèlement mental? Ah bah ça, au moins 2 neurones. Ça dépend des nanas et c'est leur problème. C'est leur problème, c'est pas le mien et c'est tout. Donc je pose la 8e. Pourquoi que les gens ont peur de parler de ce problème et on va s'écouter. Les poules qui puent avec... J'ai un œuf pourri dans le trou des fesses. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et toujours le Minitel www.funradio. Et à tout de suite. Et voilà, donc c'est toujours la suite des débats du jeudi avec Gérard. Donc il est 2h31 et on vient de s'écouter... Les poules qui puent avec j'ai un œuf pourri dans le trou des fesses et on va récupérer Marmite. Marmite. Là, allô. Allô. Marmite. Allô. Allô, Manu, on n'entend plus rien. Vous m'entendez, moi, ou pas? Allô, est-ce que vous m'entendez, moi? Gérard, essaye de parler pour voir si t'entends. Il y avait un problème de micro sur le... Marmite. Allô. J'entends rien. Allô, Couscous. Ouais, je suis là. Il est parti, Gérard. Attends, essaye. Marmite. Il a quitté le studio, Gérard. Non, ça... Bon, Olivier, tu me fais quoi, là? Je fais rien. Et voilà, c'est pour moi. Allô, Poupon. Ça marche, là? Marmite. Voilà, ça y est, ça marche. Il est où, Gérard? Marmite. Salut. Marmite, rebonsoir. C'était où? J'étais là, mais c'est Olivier qui s'est mis à faire le con, c'est pas grave. Okay. Marmite, donc, toujours là? Toujours là, ouais. Point noir. Ouais, je suis là. Toujours là. Poupon. Ouais, je suis là, ouais. Toujours là. Et Couscous. Ouais, toujours fidèle. Toujours là. Mathieu. Encore là. Toujours là. Et casse-toi. Salut, Gégé. Salut, casse-toi. Donc, toujours là. Donc, 8e question. Pourquoi les gens ont peur de parler de ce problème? Mais de quel problème? Là, il y a Tarvador qui vient d'arriver. Oh là là. Tarvador. Petit Jedi. Petit Jedi. J'ai rien fait, moi, Gérard. C'est quoi cette histoire de merde? Bah, allez, on continue. Donc, casse-toi. Oui, je suis là. May the force be with you. Casse-toi. Oui, Gérard. Donc, pour toi? Bah, écoute, je sais pas du tout. Moi, personnellement, c'est pas un problème pour moi d'en parler. Donc, si des gens n'en parlent pas, c'est que bah, ça les gêne, je sais pas, j'imagine. On va. Allô? Mathieu. Tu peux calmer tout le monde, Gérard, c'est pour ça. Il est en train de me calmer, direct, tu me calmes. Bon, alors, Mathieu, pour toi? Bah, ouais, moi, je pense que c'est dur d'en parler, de l'harcèlement sexuel, quand même. Parce que si on a peur de se faire harceler, on a automatiquement peur d'en parler. Ouais, ben ça, c'est un problème que, qui se passe à l'heure actuelle, c'est que personne ne veut en parler. Ouais. Parce que les gens ont peur. Non, mais j'en parle. Hein. Non, mais il faut en parler parce que sinon, Attendez, parce que les gens de l'IRC n'ont pas entendu la question. Alors, pourquoi les pourquoi les gens ont peur de parler de ce problème? Ah, ok, merci. Gérard, c'est couscous, par exemple. Ouais, couscous. Ben, moi, j'en parle pas parce que si j'en parle, si tu parles d'harcèlement sexuel, tu te fais forcément harceler sexuellement. Mm-hmm. Donc, j'en parle pas. Ah ouais, mais je vois pas, mais si bon ben toi si tu te fais harceler c'est. Et si j'en parle à une personne, là, ouais. Imaginons j'en parle à Bébert et Rachida, ils vont m'harceler sexuellement. Ah non, si tu leur en parles que t'as déjà eu des problèmes comme ça. Ah bah ça se voit que tu les connais pas, hein. Ah non, mais ça je connais pas tes problèmes, moi. Poupon. Bah écoute, les gens ont peur en parler parce que c'est dangereux, c'est une maladie, et y a des médecins hein, qui soignent ça, il y a des psychologues, des harceleurs sexuels, des marabouts, tout ça. Non, mais attends, là, Poupon, il y a d'autres personnes, bon, d'accord, tu peux aller... Oui, mais si la personne a peur d'aller en parler à un psychologue, autre, ça, c'est son problème. Non, mais si c'est une peur, c'est une phobie. C'est un phobie, c'est sexuel, donc forcément, tu vas voir un sexologue. Ah, tiens, il y a une question, Colgate, alors là, elle commence à s'amuser. Gérard, t'es déjà été harcelé dans un couscoussier par les merguez. Alors après, t'as Gérard, t'es déjà harcelé à une radio. Allô. Est-ce qu'on m'entend, moi? Allô. Celui-là, il m'a pas arrêté. Celui-là, il m'a pas arrêté. Forcément. Ben voilà. Ça va marcher, là. Attendez, les auditeurs, ça va marcher. Vas-y, parle, Gérard. Allô. Ouais, vous l'entendez, là? Vous l'entendez, Gérard? Ça marche. Gérard, si, vous l'entendez. Ça marche. Non, j'ai pas une CD, arrête. Parle dans ton micro, Gérard. Parle dans ton micro. Vous l'entendez, là? Il va vous parler. Vous l'entendez, c'est sûr. C'est toi qui arrête pas de déconner. J'ai rien fait. On t'entend, GG. Il n'y a pas de problème. Vous l'entendez. Oui, je suis là. Oui. Donc toi, tu peux m'inviter la question parce qu'avec tout ce bazar, avec les problèmes techniques, là, ça devient dur. Hein. Pourquoi que les gens ont peur de parler de ce problème? Ce que je te disais, ta peur, c'est une phobie. Ok. Ah bah, t'avais déjà répondu, je t'avais dit... C'est sexuel, voilà. C'est ok. Voilà. Point noir. Moi, j'ai pas peur d'en parler, au contraire, ça m'excite. À ton âge, je pense que j'irai voir quelqu'un pour en parler quand même. Non, je préfère pas en parler, je préfère le faire. N'importe quoi. Marmite. Ouais, moi aussi j'en parle, je m'en fous. Ouais, mais t'en parles dans ton entourage. Ouais, moi j'en parle à tout le monde. T'as vu, là, je t'ai appelé pour t'en parler. Hein. Non, mais attends, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est au standard qu'on t'a appelé. Non, c'est moi qui t'ai appelé. Ouais, mais après, le standard t'a rappelé pour participer au débat. On l'a harcelé. Ils m'ont un peu harcelé. Voilà. Je l'ai téléphoniquement. Je disais, Cosco. Disais qu'ils l'ont harcelé téléphoniquement. Non, mais ça. Ouais, mais c'est si bon. Moi, je voulais juste rajouter que vous avez quand même harcelé le boss, quoi. Ouais, on a harcelé le boss. Je vais te dire que le boss, on a été à deux doigts de l'enlever, de le torturer. Hein. C'est clair. Ça a failli sévir, quand même. Il a harcelé à coups de saucisse dans le derrière. Il a bien fait de lâcher. Oh non. Bon. Je prends pas le boss. On prend son débat. Donc, 9e question. Devrait-on créer une école sur le harcèlement sexuel? Oh oui. Non, on va demander ça, tiens, point noir, parce qu'à 17 ans... Point noir, j'étais passé, ouais. Ah ouais, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord pour cette initiative, ouais. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Bah déjà, comme je te disais tout à l'heure, on fait des trucs par correspondance, mais alors si on ouvre une école, ah ouais, moi, j'arrête la boulangerie et je vais dedans, quoi, c'est clair. Moi aussi, hein, moi, je fais prof. Je suis tout à fait d'accord. Qui Marmite, hein. Je fais prof, j'harcèle tout le monde, hein. Moi, je veux bien des cours particuliers à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Ah, moi aussi, okay, hein. Non, mais attendez. Alors, Marmite, toi, t'es d'accord avec Point Noir. Poupon. Moi, je dis qu'effectivement, il faut des pédagogues pour faire des écoles, c'est clair. Des pédologues. Non, des pédagogues. Des pédagogues. Des pédologues. Mais de sport, j'ai mon cœur. Tu vois? Je vais aller les voir, merci. Couscous. Oui, Gérard. Oui, moi, je pense que ça serait bien, mais il faudrait que la professeure, elle soit bien roulée. Hein. Ouais, mais ça. Sinon, il n'y a pas moyen d'apprendre. Hein. Toi, tu peux pas trouver des... Ah, la tendance du poignet. Faut qu'elle écarte bien les cuisses, hein, pour qu'on va bien la foutre. Bon, ben, t'es vraiment un cochon, toi. Ouais, mais faudrait qu'il n'y ait pas de la pratique aussi. Mathieu. Évidemment. Oui, alors moi, je pense que c'est une bonne initiative de faire une école sur l'harcèlement. Puisque comme ça, je pourrais être professeur et je pourrais faire mes mises avec des petites demoiselles. D'accord, casse-toi. Bah, écoute, moi, Gérard, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas, il l'a pris pour lui quoi. Je dis casse-toi. Je vais le rappeler, je crois que c'est couscous en plus. Oh il l'a mal. Non, il est plus là. Il l'a mal pris ce que tu lui as dit. Oh bah, il y a une place. Bon, donc, moi je peux vous dire une chose. Que des écoles, je voudrais pas que ça existe. Pourquoi? Oh non, pas avec les profs. Hein. L'école, c'est bien quand même. Ouais, non, mais pas. Attends, je vais te dire, s'il y avait des cours de cricket à l'école, les lycéens, ils seraient pas en grève. Hein. Moi, je te dis. Non, mais attends, ça. Là-dessus, c'est. Attends, ils feraient des heures supplémentaires en permanence et tout ce que tu veux. Il y a une question. Il y a une bonne question hier, c'est de Kevin Klein. Gérard, comment reconnaître un harceleur potentiel? Voilà, c'est trop compliqué pour lui. C'est pas les harceleurs potentiels, en plus, c'est les harceleurs sexuels. Tu dis n'importe quoi, Rigo. Ah, non, mais même, d'ailleurs, là-dessus, je peux rien dire. Non. Alors, dernière question. Déjà? Oui. Attends, il reste encore 20 minutes. Après, on verra. Moi, j'ai plein de questions sur l'IRC, si tu veux, Gérard. Ouais, est-ce que c'est du harcèlement sexuel si on fait l'amour? Ouais. Alors, marmite. Ouais. Bon, toi, de toute manière, toi, t'es. Moi, j'aime tout, quoi. J'aime bien, oui, bien sûr. Toi, t'es carrément branché à fond là-dedans. Hein. Bah, à fond, ouais. À fond, à fond, profond, ouais. Ah, ça y est, celui qui applaudit. Donc, pour toi, donc. Ouais. Ça te dérange pas? Oh non, rien ne me dérange. Point noir. Oh bah moi, tant qu'il y a de la bite, tout va bien. Oh bah toi, à 17 ans. À quel âge que t'as perdu ton. À quel âge que t'étais. 3 mois et demi, un truc comme ça. À quel âge t'as commencé avec une relation? À 14 ans. Oh. Elle est ici, j'espère que vous serez demain à la loco. Hein. Ouais. 14 ans. On jette rien. J'ai rien fait, mais. C'est toi qui s'appelle ce micro. Et je suis sûr que je t'en apprendrai des trucs. Olive. Ok. J'ai rien fait. Non, presque pas. Poupon. Ouais, bah écoute, moi je dis, hein, dans ces cas-là, on sait à quoi on s'expose. On peut plaire, on peut perdre sa place de président. Hein. Mais ça, je vois pas. On va pas parler de vie privée, mais tu sais très bien de quoi on parle. Tu crois que Chirac. Je veux dire, avec la gueule de Bernadette, moi je comprendrais qu'il a harcelé ailleurs. Hein. Mathieu. Oui, ouais. Mathieu. Il y a quelqu'un qui applaudit, ça me gêne. Ouais, c'est ça commence à me prendre. Olivier, fais gaffe, parce que tout à l'heure, je vais te balancer quelque chose, toi, tu vas comprendre ta douleur. Gérard, sur moi. Excusez-moi, on retrouve couscous. Allez, bonsoir, Gérard. Tu l'avais mal pris quand tu lui as dit casse-toi, mais je lui ai expliqué que c'était pas lui. Ok. Voilà, bon. Gérard, en attendant, alors attends, je vais retrouver, j'arrive plus à savoir où c'est Disco qui dit si Adam avait pas harcelé Ève, on serait pas là. Exactement. Ouais, mais ça peut-être. Donc, sûrement. Bah oui. Mathieu, pour toi. Donc, oui, je pense qu'il a harcèlement sexuel, c'est faire l'amour, c'est sûr. Ouais, casse-toi. Ah, moi, je crois pas qu'il y ait de harcèlement là-dedans, parce que, étant donné que c'est une entente entre les deux, moi, je crois pas, non, franchement. Et couscous? Ah, j'ai pas entendu, parce que alors, tu viens de me rappeler. Est-ce que c'est du harcèlement sexuel si on fait l'amour? Ah, bah, ça dépend comment tu le prends et ça dépend comment tu le fais. Par derrière. Surtout comment tu l'as pris. En sodomie, moi, j'aime bien. Non, mais ça, c'est. Ah, moi, je pense pas que c'est du harcèlement sexuel. Hein. Du moment que tu fais l'amour, il n'y a pas de problème. Ah, c'est du bourrage de cul. Ouais, mais. Ah, il y a un mec qui est malade. On coule, les mecs, on coule. Ouais, je suis en évasion dans mes chiottes. Par contre, Gérard, est-ce que tu. Moi, j'ai une question. Pour toi, est-ce que tu crois que quand on drague une fille, on peut considérer ça comme du harcèlement? Non. Parce au début, non. T'insistes. Si elle veut pas, t'insistes. Ouais, s'il te plaît. Non, mais de toute manière, t'as pas besoin d'insister. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un sexe symbole que t'as pas besoin d'insister. Pense à Tony, Arnett et Goldo, comment ils parlent. Non, mais attendez, laissez parler Gérard. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi quoi? Chacun voit midi à sa porte et c'est tout. Je vois pas du tout le rapport. Si la nana veut pas sortir avec toi, elle sortira pas avec toi, c'est tout. Donc, Conclusion. Bravo. Non, bravo. Conclusion, Marmite. Conclusion, vive la bite. Mais pas déjà, attends, il reste un quart d'heure. Non, mais c'est pas grave, après on fait un mini débat improvisé. Il reste un quart d'heure, j'ai avant une question, improvise. Un débat sur les porte-clés, après ça va être génial. Allez, on va. Non. C'est une question sur l'IRC, une question sur l'IRC. Oh, alors, à la demande des auditeurs, une petite question IRC de CompiMusique 8M.com, c'est un peu long comme nom. Le harcèlement donne-t-il la chiasse? Si oui, de quel côté? Du côté droit. Ouais, c'est clair. De la paix droite. Non, je vois pas du tout le rapport. On fait la conclusion sur... Alors, attends, j'en ai une question. Vas-y, Gérard. Vas-y, vas-y. Oh, bon, ben... Est-ce que, par exemple, la pilule Viagra incite au harcèlement? Bon, Manu, ta question retourne au standard. Tu veux du tube? Pas forcément, Manu, parce que moi, je prends pas de Viagra et je harcèle, quoi. Tu vois, c'est une bonne question. Non, mais ça, c'était le débat de la semaine prochaine. Olivier, c'est ça? Pure. Dégage. Je peux plus te voir, là. Ah, j'ai pas fait exprès. Bon, en attendant, j'ai Davy One, Davy 1 sur l'IRC qui est allé voir la définition du harcèlement sexuel dans le dictionnaire. Ah, quand même. Et on y apprend que le petit Robert a harcelé la rousse. Bien sûr. Donc, pas le raconte. Donc, conclusion, Marmite, on fait conclusion sur ce débat et c'est terminé après. Ouais, vive la bite et puis garde le sourire, Gérard. Ouais, mais. C'est important, là. Il y a certains trucs. Demain, j'interpellerai. Dans les chats de la loco. Ouais, t'as raison, tu verras comment tu vas être aussi avec moi demain. D'accord. À demain. On verra. Dans les toilettes, hein. Point noir. Oui. Écoute, moi, Gérard, honnêtement, t'es devenu ma pro, je vais t'harceler, ça va être puissant, quoi. Ça va être puissant parce que tu m'as donné l'envie de t'harceler et franchement... Attends, moi je sors pas avec des mineurs. Hein. Tu vas subir ce que jamais t'as subi, Gérard. Ouais, ben moi je sors pas... Tu vas pouvoir définir le terme harcèlement. Ouais, ben moi je ne sors pas... Olivier ! Si, tu me sauteras, Gérard. C'est ça, bon alors je préfère mettre une capote avant d'attraper des morpions avec toi. C'est plutôt l'inverse, je crois. Poupon. Il sort pas avec des mineurs, il sort que avec des horreurs. Alors Poupon, ta conclusion, je viens de l'entendre. Terminé pour toi. Mathieu. Ouais, je me suis mis ski tranquille, donc Gérard, tes débats, bof. Et puis, mais par contre, moi aussi, je vais te harceler, je vais te faire ta fête demain, tu vas voir. On verra. Je te le dis, mon. Ouais, ben, surtout de Toulouse, t'as raison. Tu crois que... Attends, tu crois quoi, c'est que... Moi, j'ai une voiture, mon pote. Casse-toi. Ah bah écoute, moi Gérard, ton débat il m'a vachement chauffé. Ouais, casse-toi. Bon, ouais, tu me viens la chaleuse là. Ouais, mais bon, tu l'as déçu quoi. Mais alors, j'en ai rien à foutre. Casse-toi. Ouais, GG. Bah écoute, Gérard, je viens de te le dire, je t'ai dit ton débat il était vachement chaud et maintenant je suis vachement chaude. Ah bah, bravo. Ouais, GG. Couscous. Oui. C'est de la poule dans les oreilles. Couscous. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je dis que le harcèlement sexuel, c'est pas bien, mais fais quand même gaffe à ton derrière. Un accident est si vite arrivé, Gérard. Non, mais t'inquiète pas, j'ai moi, je vais te prendre le derrière comme il faut, tu vas voir. J'ai rien fait. Olivier, tu mets un ce micro vite fait. Tu mets un ça vite fait. C'est toi qui joue. C'est toi qui joue depuis tout à l'heure. C'est un ça. Bon, ça va, sinon, les auditeurs? Ouais, ça va, y'a pas de problème. Mais ça, sinon, tu vas le payer, dis-toi. On va faire un petit débat. Tu es du tube. Tu es du projet. C'est bon, Jean. Donc, moi, la conclusion sur le harcèlement sexuel, c'est la dernière fois, Olivier, que tu fais la pro. Oh non, non, mais non, je peux te le dire, non, c'est la dernière. C'est pas une conclusion. Déjà, tu m'as fait taper ton bordel, donc t'as voilà. Gagné. Je fais jamais rien, c'est toujours sur ma gueule. Non, là, tu viens d'appeler. Alors, Ok. Tu me jettes pas ce laser dans la figure. Ouais, mais c'est pour le tien, c'est à moi. Tu vois, alors, c'est ça te coûte 10 sacs. Ouais, mais ça peut lui faire mal aussi. Quand tu veux me jeter un laser dessus et tu veux me le faire payer. Non, ouais. Ça va être pratique. Donc, si vous avez des questions à me poser, moi, je peux allez, chacun son tour, une question. Alors, on va demander à Marmite. Vous avez encore 10 minutes. Même pas. Si, un quart d'heure, 10 minutes. Non. Fais tourner. Ouais, attends, je réfléchis là. Non, mais vous, faut faire vite. Ouais, non, mais je réfléchis. Si un jour tu travailles, est-ce que toi, si t'étais patron, tu harcelerais tes secrétaires? Non. Oh. Pourquoi? Je t'ai vu harceler des fois des filles ici. Oh, mytho, Gérard. Non, mais attends, toi, Olivier, tu t'écrases, tu ferais mieux de t'occuper de ton boulot. Quand Sandy est pas là. Bon, alors, attends, j'ai bien harcelé des mecs. Mais, tu veux qu'on la fasse descendre? T'es vraiment un bâtard, hein. Oh là là. Vraiment un bâtard pour regarder des conneries comme ça. Là, t'es en train de le. Pas bien, Olivier. Le harceler verbalement. Tu dégages, voilà. Allez hop, tu vires. Non, tu vires. Je veux plus te voir dans les studios, toi, maintenant. Bonne nuit. Hop, casse-moi. On en parle tout à l'heure. Non. Gérard, sur IRC, il y a Axel Duroux qui dit conclusion quand tu passes à mon bureau. Quand tu veux, ça m'étonnerait que ça soit le vrai. Bah, on verra demain. Un avertissement. On verra demain. Ouais, ben moi, j'ai pas de questions spéciales, mais je vais simplement te dire que... tu te trouves jamais tout seul parce que sinon je vais te sauter dessus. Ouais, bah attends, déjà à 17 ans, faudrait que tu m'attrapes. Ouais, ah, faudrait. Pour pas super vite, Gérard, elle peut te rattraper. Hein. Ouais, non, mais attends. Je pars du principe que quand on veut quelque chose, on l'a. Ouais, tu crois que je vais quitter Sandy pour toi? Ah non, absolument pas, tu peux la garder. Moi, ça me dérange pas, je préfère être la maîtresse. Ah non, bah alors là, je vais te dire une chose, tu te mets le doigt bien profond, que je pense. Quitte pas, je baisse mon flip et je le mets. Ouais, ben. Ah, la cochonne. T'es vraiment une allumeuse, toi. Je voulais pas dire ce mot. C'est pourtant. Gérard, c'est pas moi qui te l'ai dit. Gérard, est-ce que je peux me faire un flip? Qui? Vermite. Non, Mathieu. Ouais, ben moi je voudrais savoir quand est-ce que tu vas t'acheter un rasoir parce que là t'as vraiment une tête de clignouf en fait. Ben, quand j'aurai les moyens. Ben, je t'en amènerai un de ces quatre alors. D'accord, ben tu l'envoies à la radio. Pas de problème. Et casse-toi. Mais salut. Gérard, j'ai pas de questions pour toi, désolé, mais. Tu veux du tube? Arrête. Mais y'a un gamin ou quoi? Qui c'est qui est venu avec un miard? Qui c'est qui a un gamin, Manu? Je sais pas, moi c'était pas. Non, c'était pas prévu, mais tu prenais. Viens de le prévoir. Bah, tu vois, quand t'as du harcèlement, t'as fini par faire des gosses, hein, fort. Mais voilà. T'as fait rire les gamins, le harcèlement. Non, mais tu prenais de le prévoir. Ça, c'est la génération harcèlement. T'as fait le prévoir. Ah, le gamin, il rigole, il amuse. Il harcelé, là. Non, mais attends, parce que, casse-toi, j'ai pas compris ta question, et qu'est-ce que tu as proposé? Et pourquoi non plus? Quoi? Et pourquoi non plus? Si, tu l'as déjà posé, toi, ta question. Non, non. C'est Mathieu. Casse-toi. Bah donc, Gérard, ça va être difficile de comprendre ma question, étant donné que j'en ai pas pour... Bah, pardon. Olivier. Je l'ai coupé. Arrête. Je l'ai coupé, ça s'arrêtera. Toi, je sens qu'il y a une ramette de papier, là. Je pense que avant la fin de la soirée, elle va voler dans ta tranche. Ah, cool. Dans ta tranche. Alors, casse-toi, donc, t'as pas de questions? Non, j'ai toujours pas de questions. Eh ben, pas de questions. Casse-toi. Ben voilà, tu peux... C'est si simple que ça. Moi, j'en ai une. Est-ce que Sandy, tu la harcèles sexuellement? Alors, et vice-versa, on me dit sur IRC. Tu fais le 849, on va lui demander qu'à réagir. Ok. Donc, écoute, Gérard. 849 kilos. Oh là là. C'est gentil, ça. Hein. Non, mais continue ton débat. Attends, j'attends que Couscous me pose la question. Et tu veux faire ce double saut? Oh, Chewbacca. Oh. Éteins ça, là. Quoi? Éteins. Tu m'excites, Gérard, quand tu cries. Elle mouille. Je suis trempée, hein. Eh ben voilà, Gérard. Gérard, quand tu veux. Hein. Gérard, elle est là, ta femme. Bravo pour ta question, c'est quoi? Professionnel. Est-ce que Gérard reste sexuellement et vice-versa? D'accord. Alors, elle va répondre. Oui, effectivement, et Marcel, mais c'est uniquement pour lui ramener le café le matin. Oh là là. Je crois que là, si je ramène pas le café le matin, là, il me fait une crise, hein. Ah ouais. Oui, moi, c'est Poupon. Ouais, Poupon. Ouais, oui. Je voulais dire, vous parlez beaucoup du harcèlement sexuel, mais effectivement, on parle en ménager ou du harcèlement culinaire. Merci, où l'homme force sa copine à la cuisine et le ménage. Ça, c'est du harcèlement ménager et culinaire. C'est un peu macho, Gérard, en fait. Ah, non, Gérard, c'est Couscous. Ouais, Couscous. Est-ce que tu penses que le harcèlement sexuel est en principe? Hein, principe? Par rapport au site. Si tu parles de la syntaxe des palmipèdes dans la pédagogie instinctive, c'est sûr. Non, mais c'est pas con, ça. C'est pas con, Gérard. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la syntaxe. Personnellement, rien du tout. Ouais, en fait, tout est lié, quoi. Pourquoi? C'est clair. Ça ferait pas entre un site par rapport au site du texte. Non, si tu reviens au concept abstrait de la prévention... Ouais. Oui, mais laissez parler un peu Gérard aussi. Non, mais moi, de toute manière, là, sur la question, je peux pas répondre. Non, mais c'est ça dépend de quelle façon t'interprètes la réponse. Voilà. Donc, tu vas à la NIA, c'est pas possible. Non, mais là, on va se quitter. On va se quitter. 6 minutes. Jusqu'au bout, ton boulot. Gérard, c'est couscous, je peux te poser une question. Vas-y. Est-ce que t'as déjà vu des personnes faire du harcèlement sexuel? Jusqu'à maintenant, non, pas encore. Eh ben, tu vas bientôt pouvoir le voir. Bon, attends, toi, à 17 ans, tu vas pas me prendre la tête. Elle va te prendre le cul. Non, mais attends, toi, à 17 ans, déjà, t'es pas sûr de rentrer à la loco. À mon avis, c'est une grosse allumeuse. Et toi, t'es une... je dirais encore mieux. Et je préfère moins. Une grosse pétasse aussi, hein. Non, elle est jalouse. Oui, elle est jalouse, elle a très bien... C'est pas la question d'être jalouse, c'est la question que ça se fait pas. Quand t'as un mec, tu vas pas aller voir ailleurs, tu vas pas allumer les autres mecs pour plaisir. Attends, si t'as dit un mec... Non, mais attends, Non, mais elle va allumer GG. Pourquoi pas. Point noir, pour mon anniversaire, quand même, tu pourrais te faire plaisir, GG. Eh, point noir, déjà à 17 ans, t'es pas sûr de rentrer à la loco déjà. Je peux t'attendre à la sortie. Ouais, bah là, tu sauras même pas comment qu'elle sera. Ouais, mais Gérard, j'ai pris son nom et je l'ai mis plus un sur le liste. Ouais. Je vais la faire rentrer. Attends, tiens, point noir. Je vais la faire rentrer. T'as qu'à allumer le bouboulot, standard. Elle veut pas de moi, elle veut de toi. Non, mais moi j'en veux pas, moi je suis déjà pris. Gérard, dans ces cas-là, tu vois, point noir, ce que tu viens de dire, eh ben tu vas gâcher l'anniversaire à Max et que demain je reste chez moi. Voilà. Bravo, point noir. Pour une fois, j'étais décidé de caler. Ouais, mais tu diras merci à point noir. Gérard, c'est pas à cause d'une fille de 17 ans qui va pas venir à mon anniversaire. Moi, je réponds pas à des questions d'une petite... Mais t'es une vraie gonzesse, toi. 39 ans, tu perds les pédales pour une fille de 17 ans. Attends, l'homme de 17 ans, c'est une allumeuse. Elle rentrera pas. Mais c'est quoi ce délire, là? Gérard, si ça peut te rassurer, je travaille le week-end. Ouais, c'est ça. Gérard, tu vas venir vendredi à la loco, puis c'est tout. Attends, tu vas pas discuter. Attends, ça va. On a besoin de toi, GG, on t'aime. DJ sur N. Ouais, Couscous. Oui. Bon, et toi alors, qu'est-ce que t'as de spécial à poser comme question? Parce qu'à force, on s'en suffit derrière, là. Ouais. Moi, j'en ai une, Gérard. Bah, moi, je prends un Mars et ça repart. Ok, ça, c'est bien comme pub. Poupon. C'est moi, Beatrix. Qui Marmite. Non, c'est Marmite en premier. Est-ce que tu crois que le thème du Arrête. Bon, et tu me laisses Marmite pour l'instant, tu me coupes les autres parce qu'ils me font chier. Ouais. Est-ce que tu crois que le thème du... Il m'a mis flag. Alors, Marmite. Marmite. Gérard, oui. C'est vrai que le thème est harcèlement. Oh là là, vous êtes dégueulasse. Oh les mecs. Pour être posté au Gérard, cinéma. T'es dégueulasse. Gérard, tu pourrais te retenir. Marmite. Gérard, est-ce que tu crois que le thème du harcèlement pourrait être porté au cinéma? Ben, de toute manière, ça se voit dans les films. Harcèlement sexuel. T'as vu des films de harcèlement? Non, ben, quand tu vois Brigitte Lahaye ou... Ça va faire un film de boule, ça. Ouais, mais même quand tu vois les trucs sur la mode, fais-moi confiance. Les mecs, ils se rincent bien l'œil hein, quand ils préparent les nanas pour défiler. C'est sifflet. Est-ce que t'as vu le film Le Harcèlement avec Demi Moore? Ouais. Alors, le film Harcèlement avec Denis Moore. Denis Moore. Avec Roger Moore. De toute manière, tu l'as à la maison. C'est pas. Oh c'est pas harcèlement, c'est striptease. Je l'avais vu. C'est striptease. Il a encore sifflé ou quoi? Non, je sais pas. Je crois que c'est en haut à l'accueil, ils font la tasse. Ah, c'est marrant. J'ai vu un autre film d'harcèlement, ça s'appelait Ferme la porte que j'ai écarté. Moi, j'ai vu un truc. C'est que maintenant je vais vous laisser. Gérard, c'est Couscous, j'ai une question. Ouais, vas-y, la dernière. Est-ce que tu peux me réciter une fable de La Fontaine? Le corbeau et le renard, voilà, terminé, point final à la ligne. GG, 9.9, ça fait combien? 9.9, 68. Non, c'est pas grave.